j'en parle mal. Ma vie est pas une suite de poésie, plutôt ébauche des morceaux banals. Plongé dans la routine des murs gris de ma cité, je ressasse mes pensées. Je suis pas né ici, paralysé. J'habite ici, car je suis ici. Hey, compliqué, comprends-tu ceci? Tout part en couille, à tout bout de champ en brouille. Sur le bitume des douilles, ta bourse en te dépouille. Automatique, à la mort directe, à dépouille. Faut du démène, vas-y, dum-dum. Tous en se démène, chacun dans son domaine. Chacun son degré de haine, dis-leur de même. Parlons peu, parlons bien. Qui ne rêve pas des meilleurs quotidiens, des meilleurs lendemains. Normal que les petits frères de 5 à 15 biches font se brûler. Sonic, la santé au pack de 12, on est 12. Tu me crois pas, demande à part, pousse. Espèce de nage, my leg. As-tu déjà affronté des choses intrinsèques, belleg? Mec, mec, je te vois venir à des kilomètres. C'est l'heure où les longs chassent les bannières. La peur, c'est honneur, leur manière. Ta chasse est ouverte, taille, taille. Qui tape et taille, taille. Dans le bord, tu seras de l'aille. Chacun pour soi, le hip-hop pour tous. Je pousse en place une aboupoule du secteur A. Fada, solidaire avec ma bande et ma zone. Partageons juste ensemble la pollution de la couche de zone. Pourquoi n'étions-nous pas au nettoyage des sables de l'aune? Tant pis, pas de nantier, et c'est pas de yonkier. Tant pis, territoire conquis. Ici, si mère ne yonk, ici, on si gentil. Conclu, tendu, sont les affaires. On nous empêche même de prendre de l'air. Squatter les halls. Ici, on vous, vos mères. On s'enferme avec vos, dans les caves, labyrinthes, même les, c'est père. Mettez un peu de tranquillité, vous voulez. Laissez-moi tranquille sur la place publique, fumez ma. Planer, monter au top niveau. Fils du Congo, dans mes veines coulent le son des pygmées. Pygmées, mais. C'est l'heure où les longs chassent des bannières. Mais la peur, c'est ton heure, leur manière. Ta chasse est ouverte, taille, taille. Tu tapes taille, taille. Dans le corps, tu seras de l'aille. C'est l'heure où les longs chassent des bannières. Mais la peur, c'est ton heure, leur manière. Ta chasse est ouverte, taille, taille. Tu tapes taille, taille. Dans le corps, tu seras. J'apporte un bon son, bon son. Dansons son façon, allume mon avant. Fonçons. Digne et fier de mes origines. M'en bats les couilles, même si personne ne me signe. Tranquille, tel un signe, de là-haut j'attends un signe. M'en bats les couilles, même si des magazines, je ne fais pas la une. Ce qui prime dans ce bas monde, c'est la thune. J'implore Neptune d'illuminer ma lune sans rancune. Je reste dingue, profond, dingue. Bilingue et trilingue, mon moral un flingue. R-O-S-H, noir jusqu'au trou du pas. L'homme à l'instinct animal, grosse slash escasse, escasse. C'est l'heure où les lions chassent des bannières. Mais c'est la peur, c'est ton heure, la dernière. Ta chasse est ouverte, taille, taille. Tu tapes taille, taille. Dans le corps, tu seras. Dans le corps, tu seras die. Die, die, die, die, die.